Je le sais mon frère, longtemps que je suis dans le biz. Je le sais que t'as la haine lorsque tu me fais la bise. Ma vie t'es pas important, un Yoda Ibiza. Je fais un massage à 14h et j'apprécie la brise. Les épreuves sont surmontables avec de la maîtrise. T'auras pas respect des gens avec de la méprise. Oui c'est vrai j'avais de la peine mais vous me l'avez prise. Dans la tête l'hiver c'est chaud, souvent l'été c'est triste. Oh yeah, yeah, I wanna be relaxing bro. Rien ne sert le acting, yeah. C'est vrai qu'on veut prendre le maximum. Avoir une belle villa pour la petite mum. Elle va pas me lâcher si le monde entier me déteste. Elle donnera toujours son amour même s'il y a plus d'espèces. Je suis parti à l'aventure, voulu gratter ma pièce. Je peux pas rouler avec une Rolls dans les rues de la Tesse. Frère, on ne fait pas la guerre si tu n'es pas solide et t'as peu d'amis. Faut plus qu'à 9 mm, frère. Il faut de la force, des économies, des calomnies. Le motif, c'est l'envie. Hier, vous mangez ensemble, là, l'ennemi. Frère, c'est la vie, y'a peu d'amis. Des fois l'amour frappe comme tsunami. Je connais pas la belle vie. Mon clan araba sono tutti quanti ora free. Vita puttana prima da vola cocaine. Vita puttana ora mamma fit con la cream. Cambio sempre la sim, una team like a mobile. Una capa cazzo guarda Batman la mia tonnobile. Esco mi guardano tutti, c'è noi tutta Madrid. Mi vuole una puttana milionaria vive in Suisse eh. Solo che sono easy. Giro con cinque negri di Marsiglia a Parigi. Da quelli popolari a popolari amici. Mai leccato il culo ad artisti né a bitches. Sono rispettato pure da tutti i miei nemici. Perché sono andato solo non con i miei amici. Non sanno né chi sono, non sanno né le mie radici. Per quello prendo il volo, atterro negli Stati Uniti. Frère, on ne fait pas la guerre si tu n'es pas solide et t'as peu d'amis. Faut plus qu'à 9 mm, frère. Il faut de la force, des économies, des calomnies. Le motif, c'est l'envie. Hier, vous mangez ensemble, là, ennemi. Frère, c'est la vie, y'a un peu d'amis. Des fois, l'amour frappe comme tsunami. Frère, on ne fait pas la guerre si tu n'es pas solide et t'as peu d'amis. Faut plus qu'à 9 mm, frère. Il faut de la force, des économies, des calomnies. Le motif, c'est l'envie. Hier, vous mangez ensemble, là, ennemi. Frère, c'est la vie, y'a un peu d'amis. Des fois, l'amour frappe comme tsunami.